Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 40. De l'espérance et du désespoir. L'espérance et le désir. Sujet de l'espérance. Le désespoir. Des causes de l'espérance, ses effets. 1. L'espérance est-elle la même chose que le désir ou la cupidité? L'espérance diffère du désir par son sujet et par son objet. Elle a pour sujet la force irascible, tandis que le désir existe dans la faculté concupiscible. Elle a pour objet, premièrement un bien, et en cela elle diffère de la crainte qui se rapporte au mal. Deuxièmement, un bien futur, et par là elle se distingue de la joie, qui résulte d'un bien présent. Troisièmement, un bien difficile à obtenir, et voilà précisément pourquoi elle n'est pas le désir ou la cupidité qui tend absolument au bien futur. Quatrièmement, un bien possible à obtenir, et c'est ce qui la sépare du désespoir. L'espérance, on le voit, diffère du désir de la même manière que les passions de l'irascible se distinguent de celles du concupiscible. Note. Elle a pour objet, non pas seulement, comme le désir, un bien futur, mais un bien futur possible à obtenir. L'espérance, dans le cœur humain, est un fait complexe, c'est la connaissance du bien, le désir de le posséder, et la croyance à la possibilité de satisfaire ce désir. Fin de la note. 2. L'espérance est-elle dans les facultés perceptives ou dans l'appétit? L'espérance, impliquant une certaine extension de l'appétit vers le bien, appartient évidemment à la puissance appétitive de notre âme. Mais, comme les facultés perceptives meuvent cette puissance par le moyen des objets qu'elles lui présentent, on peut définir l'espérance comme passion, un mouvement par lequel l'appétit envers un bien futur, ardu et possible, présenté par les puissances de perception. Note. Lorsque le bien espéré n'est possible que par le secours d'une puissance étrangère, l'espérance prend le nom d'attente. Quand on est assuré d'obtenir un bien, elle reçoit celui de confiance. Fin de la note. 3. Les animaux ont-ils l'espérance? Il y a dans les animaux une certaine espérance, à en juger par leurs mouvements extérieurs. Le chien et l'épervier, par exemple, ne se précipitent pas à la poursuite de leur proie, lorsqu'ils n'ont pas l'espoir de l'atteindre, mais vous les voyez s'élancer sur elle aussitôt qu'ils croient pouvoir la saisir. Il est aisé d'apercevoir dans cet instinct, qu'ils tiennent de l'auteur même de la nature, une sorte d'espérance et de désespoir. 4. L'espérance a-t-elle pour contraire le désespoir? Le contraire de l'espérance, c'est le désespoir. On ne trouve pas, il est vrai, entre ces deux passions, une contrariété résultant de deux termes opposés comme entre l'amour et la haine, mais le désespoir est contraire à l'espérance de cette autre opposition propre aux passions de l'irascible, d'après laquelle on s'approche ou on s'éloigne d'un même objet. En effet, l'objet de l'espérance, en tant que bien possible à obtenir malgré sa difficulté, attire vers lui, et l'espérance s'en approche. Mais ce même objet nous apparaît-il comme impossible? Il produit en nous une répulsion qui se traduit par le désespoir, mouvement contraire à l'espérance. Note. Le désespoir est une passion qui naît en l'âme, quand l'acquisition de l'objet aimé paraît impossible. Confère Bossuet. 5. L'expérience est-elle une cause d'espérance? Si l'espérance a pour objet un bien futur, difficile mais possible, On doit regarder comme l'une de ses causes tout ce qui augmente la puissance de l'homme, les richesses, la force et l'expérience elle-même, avantage qui facilite les opérations, et d'où naît, par suite, l'espoir de réussir, nul ne craint de faire ce qu'il a bien appris. De plus, tout ce qui nous persuade qu'une chose nous est possible contribue aussi à nous donner de l'espérance. Or, non seulement la science et la conviction, mais encore l'expérience, peuvent nous montrer que ce qui nous paraissait impossible auparavant nous est possible et même facile. Il faut convenir, cependant, que l'expérience est, parfois aussi, une cause de désespoir, car si elle nous montre la possibilité de réussir dans certaines entreprises, elle peut très bien nous dévoiler aussi l'impossibilité du succès. Mais, comme elle enfante l'espérance de deux manières et qu'elle ne produit le désespoir que d'une seule, nous devons la regarder comme une cause d'espérance. 6. L'espérance abonde-t-elle surtout dans les jeunes gens et dans les hommes ivres? Les jeunes gens, qui ont beaucoup d'avenir et peu de passé, ne s'occupent guère de leurs souvenirs et vivent beaucoup dans l'avenir. Pleins d'ardeur et d'activité, ils ont un cœur grand, généreux, disposé à entreprendre les œuvres les plus difficiles, et ils croient d'autant plus à la possibilité du succès, qu'ils n'ont point encore subi d'échec. Tout cela fait naître en eux de magnifiques espérances. Note. Le jeune âge a dans ses veines un sang riche et bouillant qui dilate son cœur et allume son cerveau. Sous ses excitations de la santé, de la force physique, il ne croit pas aux difficultés. Fin de la note. Les hommes ivres, échauffés et comme multipliés par le vin, ne considérant ni les périls, ni leurs faiblesses, ni les ressources dont ils manquent, sont prêts aussi à tout tenter. Aussi, comme les insensés qui n'examinent pas les choses avec réflexion, ils se livrent aux plus folles espérances, parce qu'ils ne voient rien au-dessus de leurs forces. 7. L'espérance est-elle cause de l'amour? La foi, dit la glose, engendre l'espérance, et l'espérance engendre la charité. Entre l'espérance et l'amour il existe certains rapports qu'il est bon de connaître. Le bien que l'espérance désire étant tout ensemble ardu et possible, nous ne pouvons pas toujours l'obtenir par nous-mêmes. C'est pourquoi l'espérance se rapporte comme à deux objets, au bien qu'elle désire, et à l'être qui doit la mettre en possession de ce bien. Sous le premier rapport, elle est l'effet de l'amour, car on espère que les biens désirés et aimés. Sous le second, elle produit elle-même l'amour, quand nous espérons qu'une personne nous fera obtenir quelque chose, nous nous portons vers elle comme vers notre bien propre, et nous commençons ainsi à l'aimer. 8. L'espérance est-elle utile ou nuisible à l'opération? Que celui qui cultive, nous dit saint Paul, le fasse dans l'espérance de recueillir le fruit de son travail. 1 Corinthiens 9, 10. L'espérance aide et fortifie l'opération d'une double manière, d'abord, par son objet, qui est le bien ardu et possible, car la difficulté d'une entreprise excite la tension, la possibilité du succès soutient l'effort. L'espérance produit ensuite la joie, qui, comme nous l'avons dit, est une cause d'application et de perfectionnement. Nous devons donc dire que, de toute manière, l'espérance est utile à nos opérations. Note que, si, sur un champ de bataille, le désespoir est dangereux pour l'ennemi, ce n'est encore qu'en vertu de l'espérance qui subsiste au fond des cœurs, le soldat qui n'a pas l'espoir de trouver son salut dans la fuite, conçoit l'espérance de faire payer chèrement sa vie, La force lui vient de son espérance même. L'espérance est le soutien de notre volonté, c'est elle qui met sans cesse un but devant nos efforts, qui nous console dans l'infortune et nous encourage encore dans le triomphe. Tous les hommes, chacun dans la route que lui a tracée la Providence, marchent à la lumière de ce flambeau. L'espérance, c'est notre vie tout entière, nous serions déjà damnés, si nous n'espérions plus. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.